Lamborghini a pris quelques dodanes. Je finis la queue au Ritz ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je finis la queue au Ritz ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. On trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, ont-ils dit, y'a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas. Le règlement tous une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Des alertes en prison, certains n'en reviennent pas. J'ai craché des mouvetons tous sur le même toit. Toujours d'humeur à l'élever, que l'avenir suce mon troisième doigt. Non, moi je t'aime pas, ni celui qui est avec toi. Y'a que quand tu baisses ta daronne que je suis tout cœur avec toi. T'as même pas de quoi me faire fumer, qu'est-ce que je vais faire avec toi? J'parle de rue car j'y ai baigné, même si j'y suis beaucoup moins. J't'écris du bloc avec G-A-T-O, V-A-T-O, bougant moins. Y'a du son d'achat du chien, le BDI dans le coin. Grosse bille dans l'achat du smic, coup de pied retourné dans le coin. Bombe nucléaire sur le game, il ne restera que moi et les rats. Quand je monterai dans l'Aveyron, jamais tu ne le reverras. Inspiré par la musique de ses descendants d'esclaves. Ils achètent négros sur place publique pour rien n'est grave. J'ai couronne sur la tête, pourtant c'est le voisin qui a eu la fève. Il n'y aura jamais de trêve, mon numéro du 93. Braise de poulet, loco, banane, l'Europe c'est haram. Génocide sur ces négros, je vais les Boko Haram. Ne fais pas trop de bien ou tu seras cloué sur une croix. La rafale dans ta grand-mère arrivera plus tôt que tu ne crois. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodas. Je finis ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je finis ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Tu